Je vous salue, Doudou, l'aîné de grâce, Doudou Bachala, et on est Alpha et l'Oméga, y'a la vie n'angaï. Voici mon ke qui te connaît, tu brésilienne. Écoute ma prière, Maro. Je t'en supplie, chérie, l'aîné de grâce, les guillards à champagne, Zalata, jus d'orange, Gana, Melayo. Baye pa koya na sima pa kuta seko pa pamba Ito di ba fumi ma ou na katie On a retiré parole Nyon so yon a loba ki na se ampongi Na ebi ba koloba ka si je m'en fous Na ete na tinda bolingo awa onse Po na zangi avoka To metre oyo a couple de cause nangaye Fifi baron a papi ba kondi mate Jeje ba chona blanche ba talinga y parmi Na lela nanani doudou Et s'il y a de la place pour deux Il y en aura même pour trois na sengi na yo doudou Koti sanga na katia tana finani Li kamote c'est bolingo Rama, un petit acolat vraiment. Tana, le chef cobra. Ah, le vieux Akodo Masombo. Un moment où est-ce qu'il y a quelqu'un? Nakoyaï, Nakoya Kopesa yo, Mote Manangaï, Ote Kangola Zando Yabikeko. Medio Kimingaï. Nani le soswa kosa la entretien nango Izebola, Kuturoba na kozonga kopesa yo motema ya poma Yo te kango tangwa exposition oeuvre d'art Medio Kimingaï. Nani le soswa kosa la entretien nango Chancelé Mido Yo yé bindenge nga nale la kaya dodo Yo kandenge na konzembe na yo bashala Pona bala dudu, basengi nga bon mache Pona kwe la chéri, basengi nga bon fleuri Loko leza ya leta, kana kozanga iye Tous pepele ya mbetolo Na sengi yo elo kote dudu Nga na sengi yo sekiri ya bolingo basho Pesanga yango Ata eteni ya compréhension Pesanga vama Ata kuyere ya affection Seke mpi minga yango Na kumi bwaka na shita Baraja inga e Na nili susu ako sala Retina Tata mapasa balenyoi Na nili susu ako sala Retan bolingo Restaurant Chegan Place Na Londres Ya Kemba, champagne na bitilice.